putain, y'a que du vrai, frère. Mémoire. C'est comme la fin d'une partie où t'aurais mis de ta vie. La fin d'un film où t'aurais perdu ta vie. Mal le décor, ça sent comme générique de fin. Les larmes de tes proches comme refrain. T'as vaincu sans rendre compte à quiconque. Loin de croire qu'un jour ça sera au prix de ta vie. Donc t'as joué le jeu à fond, ya, sans jamais penser que t'allais toucher le fond, ya. Tu voulais jouir de la vie, des plaisirs t'offrir. Tu pensais même pas qu'un jour tu pouvais finir. T'étais tellement high que t'avais même pas idée qu'avec la mort t'avais signé un bail. Pour beaucoup, la vie est un film. La différence avec la réalité, beaucoup trop infime. C'est pour ça qu'un a qui perd, c'est à croire qu'après la mort, il existe ce purgatoire. 3 heures avant, tu vivais, tu riais, tu étais paisible. Tu rêvais aux instants futurs, aux enfants et à la famille. T'avais une pensée pour les tiens, mort trop vite. T'avais des larmes sous la paupière, tu dis que ça sèche vite. Puis des corps étrangers t'ont traversé. Ça a été tellement fort que t'as mangé le pavé. Tu disais que rien te renverserait, que tu aimais le contact, que la vapeur, tu aimais l'inverser. Mais ce jour-là, c'était toi qui étais allongé, qui tâtait le sol de ton sang qui dégoulinait. Maintenant t'es devant Dieu et tu te dis, frangin, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Fin de partie, c'est la fin de ta vie. Devant toi s'ouvre une nouvelle vie, loin de nous, loin d'ici, yeah. Que la vie t'emporte, frère. Fin de partie, c'est la fin de ta vie. Devant toi s'ouvre une nouvelle vie, loin de nous, loin d'ici, yeah. Que la vie t'emporte. Si c'était à refaire, beaucoup ont dit je me prendrais autrement, yeah. J'aborderais la vie différemment. Mais pris dans leurs affaires, se sont laissés prendre à petit feu bêtement. Combien d'histoires depuis que le monde existe semblable à la tienne. Combien d'amour sans qu'elle prévienne. À arracher des vies même, t'es juste une fleur plus dans son balai de chrysanthème. Triste scène de te voir comme ça, si loin de nous, de te voir quitter la vie. Que la gloire de notre Dieu t'accompagne, et qu'elle soit ta compagne. Au milieu des anges face à Dieu, confronté au jugement. Tu vois ta vie défiler, maintenant tu comprends. Tu sens tes erreurs, tu pleures et lui te reprend. Tu dis tout peut finir dans un instant. Tu flippes, ses yeux sont tellement grands. Tu sais qu'il voit tout, il est le tout puissant. À présent tu ne peux plus faire marche arrière. Si tu t'es planté de voix, c'est direct aux enfers. Maintenant tu sais où tu iras. T'es trop loin pour revenir, qui mourra verra. Mais nous chaque jour on pense à toi. On se dit qu'un jour si Dieu le veut, on te reverra. Fin de partie, c'est la fin de ta vie. Devant toi s'ouvre une nouvelle vie. Loin de nous, loin d'ici, yeah. Que la vie t'emporte, frère. Fin de partie, c'est la fin de ta vie. Devant toi s'ouvre une nouvelle vie. Loin de nous, loin d'ici, yeah. Que la vie t'emporte. Fin de partie, c'est la fin de ta vie. Devant toi s'ouvre une nouvelle vie. Loin de nous, loin d'ici, yeah. Que la vie t'emporte.